إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc الحمد لله. Aujourd'hui c'est le cours numéro 32, l'explication de شرح السنة, pardon, l'explication de شرح الأربعون النووية. Et ici avec le charf de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Aujourd'hui, on continue l'explication du hadith numéro 24. C'est le hadith d'Abi Zarrin Al-Rifari. Et c'est un hadith Qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à la création. Et donc, on est arrivé au point où le Cheikh Al-Fawzan explique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Ya ibadi kullukum arin illa man kasawtuh » C'est-à-dire, ô mon serviteur, vous êtes tous nus, excepté celui que j'ai habillé. Alors, demandez-moi pour vous habiller, pour vos vêtements, pour vous couvrir, et je vais vous habiller, et je vais vous couvrir. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, قال, ويا عبادي كلكم عار من الثياب التي يستر بها عورته ويستدفئ بها ويتجمل بها هذه من الله جل وعلا قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يواري سوآتكم يعني يستر عوراتكم وريشا يعني زينة وجمالا فاللباس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاللباس على قسمين الأول لباس لستر العورة والثاني لباس للتجمل لشيخ الزكاة الله سبحانه وتعالى dit oh mon serviteur vous êtes tous nus c'est-à-dire qu'on est nus c'est-à-dire dans le sens qu'on n'a pas de vêtements pour couvrir notre aura excepté ce que Allah سبحانه وتعالى nous a donné de même que les vêtements qui nous servent de réchauffement, parce qu'on utilise aussi les vêtements pour nous réchauffer quand il fait froid, et pour nous embellir aussi, parce que les vêtements ils ont cette utilité-là. Les vêtements c'est pas seulement pour se couvrir, mais aussi on les utilise comme une parure, comme quelque chose pour se décorer soi-même ou s'embellir soi-même. Et le cheikh donc il dit ça c'est les utilités pour lesquelles on se couvre, ou pour lesquelles on s'habille. Première utilité, c'est de se couvrir, couvrir nos parties, couvrir notre corps. Deuxième utilité, se protéger contre les éléments, se protéger contre le froid, se protéger contre la chaleur, se protéger contre tout ce qui pourrait nous faire du mal sur notre corps. Et troisième raison pour laquelle on s'habille, c'est également pour se parer, pour se mettre beau, pour être apparent, une belle apparence. Toutefois, à l'époque actuelle, les gens ils ont inversé un peu ces choses-là maintenant, et on voit que la première raison pour laquelle ils s'habillent, c'est pas pour se couvrir leur nudité. La première chose pour laquelle ils s'habillent, c'est pour la parure, pour s'embellir. C'est pour ça que des fois ils s'habillent de façon qui montre leur partie ou qui montre leur corps, et ils exhibent leur corps. En particulier les femmes qui suivent la mode, qui dévoilent beaucoup de leur aura. Et même les hommes aussi, Allah musta'an. Et ensuite, bien entendu, pour se protéger contre les éléments, puis troisièmement, pour couvrir. Donc c'est l'inverse. Mais le chien, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 26 dans Surat Al-A'raf, ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements hein, pour couvrir vos parties intimes et pour vous, et comme embellissement aussi, comme parure. Warisha. Donc, yuwari sawatikum, c'est-à-dire ça couvre vos parties, ça couvre votre corps, ça couvre votre nudité. Warisha, yani, ça vous embellit, hein, c'est une parure et quelque chose qui vous embellit. Donc, les vêtements sont de ces deux catégories-là, pour couvrir les parties et pour s'embellir. قوله سبحانه وتعالى فاستكسوني أي اطلبوا مني الكسوة وأكسكم يعني لأن الله قريب مجيب فهذا دليل على ضعف الإنسان وحاجته إلى الله إذا كان لا يملك طعامه ولا يملك كسوته إلا بأن يطلب من الله جل وعلا أن يمن عليه فهذا دليل على ضعفه ودليل على فضل الله عز وجل فهو الذي أطعمنا وسقانا وهو الذي كسانا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith il nous dit alors demandez-moi que je vous habille et je vais vous habiller parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est proche de nous et il exauce nos invocations et nos demandes. Et ça, c'est la preuve de la faiblesse de l'homme et de son besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain ne possède pas sa nourriture. L'être humain ne possède pas ses vêtements. Hein. Il doit le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ces choses-là par sa grâce. Et donc ça, c'est la preuve de la faiblesse de l'être humain. Hein, regardez, imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous donne notre risque. Des fois, les gens, comme on disait hier, ils pensent que le risque, ça vient d'eux-mêmes, que c'est eux qui le prennent comme ils veulent. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne le risque. Et la nourriture, c'est lui qui la donne. Regardez, par exemple, qu'est-ce qu'on mange tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait voulu, il n'aurait pas fait aucune plante comestible. Aucun légume comestible. Et il aurait pu faire également que la viande ne soit pas comestible aussi. C'est-à-dire qu'on aurait été incapable de la manger et incapable de l'avaler et incapable de la digérer. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu faire ça. Il aurait pu nous laisser comme ça, mais par sa grâce, par sa miséricorde, il a fait qu'il y a de la nourriture pour nous, des légumes, des fruits, et il y a de la viande aussi qu'on mange, et non seulement on les mange, mais en plus de ça, on les aime, et ils ont un bon goût quand on les mange, quand on les met dans notre bouche. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, allez, toutes ces choses-là, ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ensuite, le cheikh il dit, donc, que c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne à boire, il nous donne à manger, et il nous recouvre. Hein? Tout ça, c'est sa grâce et sa bonté envers nous. قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار تخطئون تعملون السيئات والخطايا لأن هذه طبيعة الإنسان أنه كثير الخطأ قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فالعباد يخطئون خطايا كثيرة وهم بحاجة إلى أن يطلبوا من الله تعالى المغفرة لهذه الخطايا ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى والعلاج أن تستغفر وتكثر من الاستغفار فإذا استغفرت الله غفر لك فاستغفروني أي اطلبوا مني المغفرة لأخطائكم أغفر لكم والله غفور رحيم قال تعالى إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى للشيخ الزي ensuite il explique quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô mon serviteur, vous faites des erreurs la nuit et le jour. Vous faites des erreurs, c'est-à-dire vous faites des péchés, vous faites des fautes. Parce que c'est dans la nature de l'homme. L'homme fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque fils d'Adam fait des erreurs, c'est-à-dire il fait des péchés et des fautes. Et le meilleur d'entre eux, parmi ceux qui font des erreurs, ce sont les repentants. Ce sont ceux qui demande pardon et qui se repentent. Et ça, c'est rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ahmad, Ibn Abi Shayba et d'autres également. Donc, le cheikh il dit, les serviteurs, donc ils font des fautes, ils font des erreurs, et de nombreuses erreurs, de nombreux péchés. Et donc, ils ont besoin de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces fautes-là. Il n'y a personne qui est infaillible, excepté celui que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé. Et la, le remède de ces fautes et de ces erreurs-là, c'est de demander pardon, et de le faire constamment, et de le faire abondamment. C'est-à-dire de demander beaucoup de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu demandes pardon, Allah va te pardonner. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith, « Fastaghfiruni », c'est-à-dire demandez mon pardon, recherchez de moi le pardon pour vos fautes, « Aghfir lakum », il dit « Aghfir lakum », c'est-à-dire qu'il va vous pardonner. Parce que Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat Taha, verset 82, « Et je suis certes le grand pardonneur pour celui qui se repent, qui croit et fait des bonnes œuvres, et puis qui s'est mis sur la guidance, hein, qui s'est mis droit sur, la, sur le bon chemin. » « ومن أسمائه الغفور والغفار فهو سبحانه وتعالى كثير المغفرة واسع المغفرة لمن تاب إليه فلا أحد يزكي نفسه ويقول أنا صالح أنا تقي أنا أعمل الطاعات بل لابد أن يقع منه أخطاء فهو بحاجة إلى الاستغفار مهما بلغ من الصلاح والأعمال والله جل وعلا يغفر الكفر والشرك لمن تاب واستغفر ويغفر ما دون ذلك من الذنوب جميعا وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit ensuite que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a Al-Ghafour et Al-Ghaffar. Al-Ghafour et Al-Ghaffar. Ces deux noms qui ont la même signification à peu près, excepté que Al-Ghaffar, c'est une forme qui est plus forte que Al-Ghafour. Al-Ghafour, c'est le pardonneur. Al-Ghaffar, c'est celui qui est large dans, sa, dans son pardon et qui pardonne beaucoup, hein, qui a un pardon abondant et grand et vaste, hein. Donc, il n'y a pas de limite, hein, au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup. Et son pardon, il est grand, il est vaste, il est large. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat al-Najm, hein, ton Seigneur est certes large en pardon. Hein. Et donc, il est large en pardon pour celui qui se repent vers lui et qui demande pardon. Celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Donc personne ne doit se purifier lui-même en disant « Je suis pieux, je suis celui qui crée Allah, je fais les bonnes œuvres. » Hein? Il faut absolument qu'il y ait des fautes qui arrivent, hein? Qu'il tombe dans certains péchés ou qu'il fasse certaines fautes. Il n'y a personne qui peut dire « Moi ça y est, je ne peux pas jamais de péché, hein? Je ne tomberai jamais dans une faute. » Non. Celui qui pense ça, il est trompé par le shaitan. Donc, il n'y a personne qui ne fait pas de péché. Il n'y a personne qui ne fait pas de péché. Donc, on a tous besoin de pardon. Peu importe le niveau de piété et de bien et de bonnes œuvres qu'on a atteint. Et Allah pardonne même le kufr et le shirk à celui qui demande pardon et qui accepte l'unicité d'Allah et le tawhid. Hein? Et les autres péchés qui sont moins graves que le kufr et le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne à qui il veut, comme il le dit dans le Coran, comme on l'a expliqué hier également. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Zumar, verset 53, dit ô mon serviteur qui a transgressé contre lui-même, qui a dépassé les limites contre lui-même, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah certes pardonne tous les péchés. Il est certes le grand pardonneur, le pardonneur et le miséricordieux. Donc, il n'y a pas un péché qui sort du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura jamais un péché qui va sortir du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah pardonne tous les péchés, à celui qui se repent. Et celui qui fait un péché, comme le cheikh l'a dit, hein, et qui se repent, Allah va le pardonner. Le péché, même le shirk et le kufr, celui qui fait du kufr et du shirk, hein, que ce soit n'importe qui est dans une autre religion, qui fait du shirk, qui adore Allah, ou même s'il est musulman et qu'il commet des actes de kufr et de shirk, il peut se repentir. Il peut revenir à l'islam et dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » et cesser de commettre le shirk qu'il fait, et puis Allah accepte sa repentance et il efface ses péchés qu'il a fait auparavant. Tandis que si quelqu'un est musulman, mais il a commis des péchés qui n'ont pas atteint la gravité du kufr et du shirk, et qu'il meurt, hein, et bien là, Allah il peut le pardonner. S'il meurt sans se repentir, Allah peut le pardonner, ou peut, comme on l'a dit souvent, il peut le punir pour un certain temps, puis par la suite il va sortir de l'enfer. Non. À propos des prophètes, on sait que les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre les grands péchés et contre les désobéissances. Toutefois, on avait déjà expliqué ça quand on a fait le cours sur Al-Irshad. On a expliqué qu'il peut y arriver que certains prophètes commettent des péchés. Toutefois, ils ne vont pas rester sur ce péché-là, ils vont se repentir automatiquement, ils vont se repentir sur le champ. D'accord ? Et on a mentionné des exemples à ce sujet-là, que s'il y en a un parmi les prophètes qui commettait un péché, il se repent. Et le fait qu'il se soit repenti, eh bien ça c'est une adoration de leur part. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala par la repentance, et la repentance c'est obligatoire, et en même temps c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour montrer que aussi quand quelqu'un il s'est repenti de son péché, il devient meilleur que ce qu'il était auparavant s'il s'est réformé. Donc tout ça c'est des exemples qui nous montrent que oui, ça pourrait arriver même de la part de certains des messagers, mais qu'ils ne vont pas persister à les faire. Ils vont se repentir tout de suite s'ils l'ont fait. Et c'est des exemples à suivre pour nous, dans ce sens-là. Donc, mais par contre, dans la transmission de la révélation, ça, c'est clair qu'ils ne font pas d'erreur ou de faute là-dedans. Ils sont protégés par Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Et s'ils font une faute, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les corrige. Il ne les laisse pas dans leur erreur. Et le cheikh il dit, وَمِنْ أَسْمَائِهِ, donc on a expliqué ça, يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Après le cheikh il dit, فَلَيْسَ هُنَاكَ ذَنْبٌ يَخْرُجُ عَنْ مَغْفِرَةِ اللَّهِ أَبَدًا فَلَا تَيْأَسْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَتَتْرُكِ التَّوْبَ وَالِاسْتِغْفَارِ لا تقل إن هذا الذنب لا يغفر بل بادر بالاستغفار صادقا والله غفور رحيم. Le cheikh il dit qu'il n'y a pas un péché qui sort du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah et en son pardon, n'abandonne pas la repentance et la demande de pardon. Ne dites pas par exemple à ce péché là que j'ai fait, il ne peut pas être pardonné. Au contraire, précipite-toi, dépêche-toi vers la demande de pardon avec sincérité, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et miséricordieux. Donc, il y a des gens comme ça, des fois, qui vont commettre un péché, et ils pensent que ce péché-là, il est tellement grand, ils se disent en eux-mêmes, c'est impossible que Dieu va pardonner ça, ça y est, je suis fini. Je vais aller en enfer, ou bien je vais mourir, je vais aller pour l'éternité dans l'enfer avec ce péché-là, parce que c'est trop grave. Non, il ne faut pas dire ça. Le cheikh il dit il ne faut pas dire ça, parce que peu importe la grandeur de ton péché, demande pardon et précipite-toi à la repentance, et Allah va te pardonner. Ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah, parce que peu importe la grandeur de ton péché, sache que la miséricorde d'Allah et le pardon d'Allah est plus grand encore que ce péché-là. Le cheikh il dit « ثم قال سبحانه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الله غني عن عباده سبحانه وتعالى فمن كفر وأشرك وعصى الله فإنه لا يضر الله جل وعلا وإنما يضر نفسه قال تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فهو سبحانه ليس بحاجة إلى عبادتنا وطاعتنا، وإنما أمرنا بها لحاجتنا نحن إليها فضلا منه سبحانه وتعالى، ولن تبلغ نفعي مهما فعلت من الطاعات أو مهما فعلت الطاعات والحسنات، فإنك لن تنفع الله بها وإنما تنفع نفسك، فأنت الذي بحاجة إليها. ولن تبلغ نفعي فتنفعوني، فالله لا يتضرر بالمعاصي ولا ينتفع بالطاعات لأنه غني عن ذلك، وإنما هذا يرجع إلى العبد، طاعته له ومعصيته عليه، فالله هو النافع الضار سبحانه وتعالى. لشيخ بن سويد que Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite de ce hadith: ô mon serviteur, vous n'arriverez jamais à me faire du mal, vous n'arriverez jamais à me faire un mal pour me faire du tort ou quoi que ce soit, et vous n'arriverez jamais non plus à me faire un bien quelconque ou à me profiter d'une façon ou d'une autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun besoin de nous, aucun besoin de ses serviteurs. Donc celui qui fait le kufr, celui qui fait le shirk avec Allah et qui désobéit, qui fait tous les péchés au monde, il ne peut rien faire contre Allah, il ne peut pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des kuffars qui pensent que en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, ils font du mal à Allah, ils pensent que ça fait du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh il dit, ceux-là, ils ne font du mal qu'à eux-mêmes, ils ne font du mal qu'à eux-mêmes. Et comme le cheikh il l'explique ici, il dit que si par exemple le cheikh il a expliqué ça, puis c'est comme si par exemple des gens font des péchés, des fois quand ils voient des croyants et quand ils voient des musulmans, ils veulent faire des péchés devant leur montrer des péchés qu'ils font pour les offenser ou pour les déranger, hein. On voit ça de la part de certains parmi les kuffars, des fois quand ils voient des musulmans avec la barbe, le qamis, ou bien des femmes qui sont avec le voile et tout, ils font exprès pour faire des péchés devant eux, pour les offenser, ou pour les mettre en colère, ou pour les enrager. Et ils pensent que ça fait du mal ou du tort aux croyants. Ça fait du mal à eux-mêmes, mais ça offense les croyants et ça les met en colère aussi, c'est sûr. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Donc, dans le sens que on peut pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala par nos péchés. Et peu importe, même si eux ils s'imaginent que ça fait du tort, alors ils doivent savoir que c'est uniquement contre eux-mêmes que ça fait du tort, et non contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et au jour de la résurrection, ils auront des remords et des regrets pour tout ce qu'ils ont fait. Et Allah il dit dans le verset 8, dans surat Ibrahim, si vous rejetez la foi vous-même ainsi que tous les gens sur la terre, alors sachez qu'Allah est Rani, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Donc il n'a pas besoin de nous. Si vous rejetez la foi, vous tous, vous-même ainsi que tous les hommes sur la terre, alors Allah n'a pas besoin de rien et il est le digne de louange. فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى عِبَادَتِنَا. Allah n'a pas besoin de notre adoration, de notre obéissance. Il nous ordonne de faire ces choses-là pour nous seulement. C'est-à-dire, le bien qui en revient, c'est juste pour nous. Si on prie, c'est pour nous. Si on jeûne, c'est pour nous. Si on fait des bonnes œuvres, si on aide les pauvres, si on fait tout ce qui est bien dans l'islam, c'est pour nous-mêmes seulement. C'est pas pour, dans le sens que c'est pas pour profiter quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'en a pas besoin de notre adoration, ni de notre obéissance. Et ensuite, il dit, vous n'arriverez pas non plus à me faire un bien quelconque ou à me profiter. Peu importe qu'est-ce que tu fais comme bonnes œuvres, comme obéissance, comme chose que Allah aime, ça ne lui apporte aucun bienfait à lui. C'est uniquement un bienfait que tu fais à toi-même. Et donc, c'est toi qui as besoin de ces bonnes œuvres-là et de ces bonnes choses-là. Et tu vas jamais donc arriver à faire un bien quelconque pour profiter à Allah subhanahu wa ta'ala dans quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, donc les péchés ne peuvent pas lui nuire et les bonnes œuvres ne peuvent pas non plus lui profiter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche, il est suffisant à lui-même dans toutes ces choses-là, et يعني le bien revient à nous. Et notre obéissance est pour nous et nos péchés sont contre nous. Et Allah c'est celui qui est celui qui fait le bien et celui qui peut nous nuire seulement. C'est lui la source de tout bien et qui peut amener un tort si il veut. Donc le cheikh dit ensuite wa qala subhanahu wa ta'ala, donc là il donne des exemples. Il dit, ça c'est pour nous illustrer encore plus clairement ce point-là, hein, pour nous donner un exemple encore plus grand pour nous faire comprendre ce point-là. Il dit, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, awwalul khaliqa wa akhirul khaliqa ila an taqum as-sa'a, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa hum banu adam, يعني وجنكم يعني هو العالم الثاني الجن عالم يعلمهم الله لا يعلمهم إلا الله ولا نراهم ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاختفاء. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فهم موجودون ويعيشون معنا ومنهم مؤمن وكافر ومنهم مطيع وعاص ومنهم بار وشقي ومثل بني آدم وهم عالم من عالم الغيب لا نراهم. Le chef il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô mon serviteur, si le premier d'entre vous jusqu'au dernier d'entre vous, c'est-à-dire le premier parmi les hommes jusqu'au dernier parmi les hommes qui va arriver, qui va naître jusqu'à la fin des temps, à l'heure du jugement. Si vous étiez tous là, hein, le premier d'entre vous jusqu'au dernier, et le djinn, l'homme d'entre vous, parmi les fils d'Adam, et le djinn d'entre vous, qui est le deuxième monde, le monde des djinns, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et que nous on ne peut pas voir, et c'est pour ça qu'on les appelle le monde des djinns, parce que le djinn, le mot djinn, ça signifie quoi? Ça vient de... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mot djinn vient du mot ijtinan, qui signifie al-ikhtifa, c'est-à-dire de se cacher, d'être caché. Donc c'est un monde caché, c'est pour ça qu'on les appelle les djinns, parce qu'ils sont cachés de nous, on ne peut pas les voir. Et le cheikh il dit donc, dans le verset 27, dans surat al-A'raf, lui ainsi que ceux qui sont avec lui, ils vous voient là, de là où vous ne pouvez pas les voir. C'est-à-dire que les djinns, ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Innahu yarakum, et c'est-à-dire lui, il vous voit, huwa wa qabiluhu, lui, ainsi que c'est semblable, il est parmi les djinns, les autres djinns, min haythu la tarawnahum, de là où vous ne pouvez pas les voir. Fahum mawjudun, ils sont présents, ils vivent avec nous. Parmi eux, il y a les croyants. Parmi eux, il y a le kafir, il y a le non-croyant, et parmi eux, il y a l'obéissant, et parmi eux, il y a le pécheur, et parmi eux, il y a le bon, et parmi eux, il y a le malheureux et le mauvais. Donc, il y a tout, en fait, parmi eux, comme les êtres humains. Donc, c'est un autre monde qui est parallèle à notre monde et qu'on ne peut pas voir, hein. Il est invisible à nos yeux. Donc, s'ils étaient tous là, et ensuite, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? إذ وقال سبحانه كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لو كان كلهم صالحين بررة لا يقع منهم خطأ ما زاد ذلك في ملك شيئا لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع لأنه غني عن ذلك فملك الله تام ولا تزيده طاعة الطائعين. Le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite, donc si tous ces hommes et tous ces djinns étaient là, du premier jusqu'au dernier parmi les hommes qui va être jusqu'à la fin des temps, ils avaient le cœur de l'homme le plus pieux d'entre nous, ça n'aurait rien augmenté dans son royaume. C'est-à-dire que s'ils étaient tous pieux, qui ne faisait jamais de péché, hein, ça n'aurait rien augmenté, hein, ça n'aurait rien profité en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'obéissance de l'obéissant ne lui profite en rien, parce qu'il est suffisant à lui-même, et le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est complet, hein, il est parfait, hein, et donc il n'y a rien qui l'augmente dans l'obéissance des gens qui obéissent. Ensuite, le cheikh il dit, il explique la suite du hadith qui est l'exemple contraire. قال سبحانه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد لو كفر الناس جميعا فإن ملك الله تام لا ينقص بسبب كفر المخلوقين إنهم لن يضر الله شيئا ولهذا قال جل وعلا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فلا يغتر الإنسان بعمله وطاعته ويمن على الله تعالى بها قال تعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالمنة لله سبحانه وتعالى لشيخ الزيكة. Si le premier d'entre vous, jusqu'au dernier d'entre vous, les hommes d'entre vous et les djinns d'entre vous, aviez le cœur du plus pervers, du plus mauvais parmi les hommes, ça n'aurait, hein, si tous les hommes étaient, donc le cheikh dit, si tous les hommes étaient tous kuffars, sans exception, ok, ça n'aurait rien rajouté dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, parce que, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a rien qui peut diminuer dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe que les créatures soient mécréantes ou non. Donc ils ne peuvent pas profiter ou nuire en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ibrahim, dans le verset 8, il dit, en fait il dit, et Moussa dit, si vous rejetez la foi, vous-même ainsi que tous les hommes sur la terre, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. Donc, que l'homme ne se laisse pas tromper. Que l'homme ne se laisse pas tromper lui-même par son obéissance et par sa piété. Hein, le fait qu'il fasse des bonnes œuvres. Hein, et qu'il commence à mentionner à Allah subhanahu wa ta'ala les faveurs qu'il a envers lui. Dans le sens qu'il commence à dire à Allah, oh Allah, regarde qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Regarde la piété, comment je suis pieux. Regarde comment je t'obéis. Hein, comme si il veut faire une faveur à Allah en l'adorant. Comme s'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala en lui faisant une faveur. Comme si c'était une faveur qu'il faisait en priant, ou en jeûnant, ou en faisant le bien. Mais en fait, c'est le contraire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te fait une faveur en te guidant à la foi, en te guidant à l'obéissance, en te guidant à la piété. C'est lui qui t'a fait la faveur. C'est pas toi qui lui fais une faveur. Et aujourd'hui, il y a des gens maintenant, on dirait que c'est le contraire. Ils s'imaginent qu'ils ont une faveur à Allah. Et Allah lui doit des, comme s'ils pensent que Allah leur doit des faveurs du fait qu'ils ont fait des obéissances et des adorations. Hein? Ils viennent à la mosquée, ils donnent un peu d'argent, et ça y est, maintenant j'ai donné de l'argent, oh Allah, j'ai donné de l'argent maintenant, donc tu dois me reconnaître. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a fait la faveur de te permettre de faire cette sadaqa et de te guider à l'islam, et ainsi de suite. Et il dit dans le verset 18, dans Surat al-Hujurat, justement à ce sujet-là, il dit, ne mentionnez pas votre conversion comme étant votre conversion à l'islam comme étant une faveur de votre part. Certes, c'est plutôt Allah qui vous fait la faveur de vous guider à la foi si vous êtes réellement véridique. Donc, pardon, c'était adressé à quelle personne? C'était les bédouins qui venaient juste de se convertir à l'islam à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis ils venaient commencer à mentionner au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme s'ils avaient fait une faveur au prophète sallallahu alayhi wa sallam en acceptant l'islam. hey, on a accepté ta religion, hein? On a accepté ton islam. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé le verset, dit, ne me mentionnez pas votre conversion à l'islam comme une faveur, hein, que vous m'avez faite. C'est certes Allah qui vous a fait la faveur de vous avoir guidé à la foi, si vous êtes véridique. Ensuite, il dit donc que le cheikh dit que la faveur, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit, وَقَالَ سُبْحَانَهُ يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ الصَّعِيدُ مَا تَصَاعَدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يعني في مكان واحد فإذا اجتمع الخلق كلهم جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم وكل واحد سأل الله حاجته سمعت حاجته وسأل أوكي وسأل الله حاجته قال فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي لأن يمن الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار Le Cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala dit ô mon serviteur, si le premier d'entre vous, jusqu'au dernier d'entre vous, les hommes et les djinns d'entre vous se tenaient tous sur un seul terrain, hein, à Sa'id. Sa'id c'est tout ce qui est au-dessus de la terre, le sol qu'on a, la terre. On appelle ça en arabe Sa'id, hein, la terre. Et donc, ici dans le hadith, c'est-à-dire dans un seul espace, un seul endroit. Donc si tous les hommes étaient rassemblés dans un grand espace, tous ensemble, et que toute la création était réunie parmi les hommes et les djinns, du premier jusqu'au dernier, et qu'ils demandaient tous à Allah subhanahu wa ta'ala son besoin, qu'est-ce qu'il a besoin, et qu'ils donnaient à chacun d'entre eux ce que celui-ci avait demandé, eh bien ça n'aurait rien fait diminuer de ce que Allah subhanahu wa ta'ala procède, de ce qu'il possède. Parce que la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est remplie. Hein? Il donne de ses biens durant le jour et la nuit. قال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض. C'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre. Hein? Ensuite, il dit, le Cheikh Al-Fawzan dit, فلا تنقصوا خزائن الله بالإنفاق أبدا. فالمخلوق الذي ينفق ينقص ماله وينقص ما عنده أما الله جل وعلا فإنه ينفق على جميع الخلق ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئا لأنه سبحانه غني الغنى المطلق فأعطيت كل إنسان مسألته على كثرة السائلين الإنسان والجن والأولين والآخرين وكل واحد له مسألة خاصة وقد أعطاه الله مسألته فإن هذا لا ينقص أو لا ينقص من خزائن الله سبحانه وتعالى هذا يدل على غناه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى فكل المخلوقات تتعيش من رزق الله عز وجل لا ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. Le Cheikh il dit que les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas diminués par le fait qu'il dépense et qu'il donne de ce qu'il possède. La créature, c'est elle que lorsqu'elle donne, ça diminue ses richesses, ça diminue ce qu'il possède. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas le cas. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à toute la création. Et ça ne diminue en rien les trésors de ce qu'il possède, hein. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est riche, hein, et sa richesse est absolue. Et même s'il donnait à chacun d'entre les hommes, comme il dit dans le hadith, si je donnais à chacun ce qu'il me demande, et quand on prend en considération la grandeur du nombre des individus, parmi les hommes et les djinns, parmi le premier, du premier jusqu'au dernier, qui sont réunis et qui demanderaient à Allah subhanahu wa ta'ala ces choses-là, et que chacun recevait la chose qu'il a demandé, parce que chacun a une demande particulière, eh bien, même si Allah donnait à chacun d'entre eux ce qu'il a demandé, eh bien, sachez que ça, ça n'aurait même pas diminué les trésors que possède Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça indique la richesse et la générosité, hein, et comment Allah subhanahu wa ta'ala donne de ses richesses. Donc, toutes les créatures vivent du risque d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, ça ne diminue en rien ce qu'il possède. Donc, ça, ça montre sa richesse. Ensuite, le cheikh il dit, قال قاموا في صعيد واحد أي في مكان واحد فسألوني طلبوا من الله حوائجهم المختلفة فأعطى كل إنسان مسألته ثم يؤثر ذلك لم يؤثر ذلك على ما عند الله بالنقص هذا يدل على كمال غناه. Ensuite, le cheikh dit donc qu'il tous les hommes, comme on a dit tout à l'heure, ils se tenaient tous sur le même territoire, le même endroit, et qu'ils commençaient chacun d'entre eux à demander ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient besoin, peu importe les différents besoins qu'ils peuvent avoir, et que Allah donnait à chacun d'entre eux ce qu'ils demandent, eh bien ça n'aurait pas eu d'effet, ça n'aurait pas fait diminuer ce que Allah possède. Donc il répète encore une fois la même chose, et ça, ça indique la perfection et la richesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال في ختام هذه الكلمات العظيمة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أي ليس لكم إلا أعمالكم إنما هي أعمالكم التي تعملونها من خير أو شر فالله جل وعلا لا يعذب أحدا على غير عمله أبدا فلا ينعم الله الكافر ويعذب المؤمن هذا لا يليق به سبحانه بل يضع الأمور في مواضعها يعذب الكافر وينعم المؤمن فضلا منه وإحسانا وعدلا وكرما منه سبحانه وتعالى إنما هي أعمالكم. Le cheikh il dit ensuite, pour terminer les grandes paroles qui sont mentionnées dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô mon serviteur, ce ne sont que vos actions que je compte pour vous, puis je vais vous rétribuer selon ce que vous avez fait, selon ces actions-là. C'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre que vos œuvres. C'est vos œuvres, hein. Et donc, si vous avez fait du bien ou du mal, c'est vos œuvres qui vont être la cause de votre châtiment ou de votre récompense du paradis et des délices qui sont dedans. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas vous punir pour autre chose que pour vos œuvres, si vous avez fait des œuvres mauvaises. Et il va donner la récompense du paradis au croyant, et le kafir, lui, il sera puni. Il ne va pas punir le croyant et donner des délices aux mécréants, non. Ça, ça ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, au contraire, Allah va donner, il va mettre les choses à leur bonne place, il va punir le mécréant et le kafir, il va récompenser le croyant. Et ça, c'est par sa grâce, et par sa bonté, et par sa justice, et par sa générosité. Et donc, ce ne sont que vos œuvres. Et bien entendu, ça, ça ne nie pas que c'est la foi qui est à la base. Les actions, bien entendu, c'est la base, c'est-à-dire Allah va nous juger selon nos actions, mais la foi, si elle n'est pas bonne, les actions n'auront pas de valeur. Donc ça, c'est très important de le prendre en considération. فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْجَزَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَىٰ الْعَمَلِ لَا بِالنَّسَبِ وَلَا بِالْجَاهِ وَلَا بِالْحَسَبِ قال تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فليس هناك مجال تنال به رحمة الله إلا العمل الذي تعمله ولا تعذب إلا على عملك قال تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فعليك أن تهتم بعملك لأنه مناط سعادتك وشقاوتك. Le Cheikh il dit que ça c'est la preuve que la récompense, hein, c'est uniquement pour les actions et non la rétribution que tu vas avoir c'est uniquement selon tes actions. Le Cheikh il dit que c'est pas ta lignée ou ton statut ou ton niveau social ou ta richesse qui va te faire avoir la miséricorde d'Allah ou sa récompense. Parce que Allah a dit dans le verset 13 dans Surat al-Hujurat que le plus noble d'entre vous c'est le plus pieux. Donc il n'y a pas d'autre moyen d'accéder ou d'avoir la miséricorde d'Allah excepté par les œuvres qu'on fait. Quelqu'un ne peut pas faire comme on dit acheter Allah subhanahu wa ta'ala, corrompre Allah subhanahu wa ta'ala avec des cadeaux ou avec des biens ou avec quelque chose. C'est uniquement nos actions. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le Cheikh dit donc que c'est la seule façon d'avoir la miséricorde d'Allah, c'est par nos œuvres qu'on fait, et il va punir personne excepté à cause de ses œuvres. Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Le verset 54 dans Surat Yassin, vous ne serez récompensé que selon ce que vous avez œuvré. Donc, donne de l'importance aux actions que tu fais parce que, en fait, c'est le point central qui va déterminer ton bonheur ou ton malheur. Qala uhsikum, uhsiha lakum. C'est-à-dire, je vais les dénombrer, je vais les calculer, vos œuvres, je vais les compter. C'est ça que Allah va prendre en considération. هذا من فضله سبحانه وتعالى أنه يحصي الأعمال. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il prend ces œuvres là et ça fait partie de sa grâce qu'il compte ces œuvres là et les prend en considération qu'est-ce qu'on a fait. يعلمها جل وعلا ويكتبها بواسطة الحفظة الملائكة الذين يكتبون الأعمال يكتبون أعمال بني آدم وهذه العناية منه بأعمال بني آدم دليل على فضله ورحمته بهم وإلا فهو ليس بحاجة إلى أعمالهم وإنما هم المحتاجون ومع هذا فالله يحصيها ولا يضيعها قال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقال ولا نضيع أجر المحسنين وقال وما كان الله ليضيع إيمانكم فهو سبحانه يعلم أعمال بني آدم ولا تخفى عليه ومع هذا يكتبها فقد وكل ملائكة حفظة يكتبون أعمال بني آدم خيرها وشرها ثم يوم القيامة يعطون صحائفهم التي فيها أعمالهم ويحاسبون عليها فهذا يدل على أن الإنسان ليس بمهمل ويسرح ويمرح يفسق ويكفر ويطرى ويتجبر ويظن أنه مهمل بل أعماله كلها مسجلة عليه مسجلة عليه تعال قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي بما ويأتي من لدنه أجرا عظيما. نعم دونك comme on disait, le Cheikh dit donc que nos œuvres qu'on a fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il les écrit par l'intermédiaire de ces anges qui sont là pour écrire nos œuvres. Donc comme on le sait, on a chacun des anges qui écrivent nos actions. Quand on parle et quand on fait des choses, ils l'écrivent. Et donc ça c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un intérêt pour les actions des êtres humains, des fils d'Adam. Et ça, c'est la preuve de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde pour nous. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas besoin de nos œuvres. Au contraire, ce sont nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, et malgré qu'il n'en a pas besoin, donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, il les calcule et il les préserve pour pas qu'elles se perdent. Il ne les perd pas nos œuvres, les œuvres qu'on fait. Et il mentionne les versets comme le verset 30 dans Surat Al-Kahf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il ne va pas faire perdre, gaspiller l'œuvre de celui qui fait des choses bonnes. De même que dans le verset 56 dans Surat Yusuf, « Wala nudi'u ajra al-muhsinin » On ne va pas faire perdre ou gaspiller les œuvres de ceux qui font le bien. De même que il dit « Wama kana Allahu li yudi'a imanakum » Allah ne va pas faire perdre votre foi, hein, faire gaspiller votre foi. Donc les bonnes œuvres que les gens avaient faites. Ça c'est le verset 143. Dans Surat al-Baqara, c'est au sujet de la prière. Parce qu'il y a des sahabas qui demandaient par rapport à la prière que des gens avaient fait auparavant, avant que la Qibla soit changée de direction, puis qu'ils sont morts. Donc est-ce qu'ils allaient quand même avoir la récompense pour les prières qu'ils avaient faites vers l'ancienne Qibla? Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ » Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous faire gaspiller ou faire perdre vos œuvres. D'accord? Et ensuite, il dit donc que les œuvres des fils d'Adam, elles ne sont pas cachées dans Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne peuvent pas lui échapper. Et malgré tout, il les écrit. Il a chargé des anges de les écrire et de les préserver. Donc toutes les œuvres des fils d'Adam, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont écrites. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va distribuer aux hommes les œuvres qu'ils avaient faites dans leur livre. Chacun va recevoir un livre. Et donc, ils vont être pris pour compte et jugés selon ce qui est écrit dans ce livre-là. Et ça indique que l'être humain, il n'y a rien de ce qu'il fait qui est laissé, qui est négligé ou qui est, il n'y a rien de ce que l'être humain fait qui est négligé en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laissera pas par exemple quelqu'un faire n'importe quoi, faire des péchés, faire du kufr, de la transgression, de la tyrannie sur la terre et faire du mal, puis par la suite laisser les gens s'imaginer qu'ils sont laissés à eux-mêmes et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'il est négligent de ce qu'ils font. Non. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes leurs œuvres. Il connaît les œuvres de chacun d'entre nous et il les a toutes enregistrées. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 40, dans Surat al-Nisa, que Allah ne fait même pas un atome d'injustice à qui que ce soit. Et si tu as fait quelque chose de bien, il va la multiplier et il va lui donner à cette personne-là une récompense énorme venant de lui. Donc ça c'est par rapport à ces bonnes œuvres là que on fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il les calcule et il les préserve. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui, parce que étant donné qu'on a changé l'heure maintenant, ça a un peu déréglé le programme, on est obligé de faire ça plus tôt. Donc inshallah on va faire le cours maintenant à l'avenir inshallah. Faudrait qu'on commence à, Inch'Allah, je pense, on fait la prière ici à moins quart, 3h moins quart, donc il faudrait qu'on commence pas plus tard que 3h30, d'accord? Donc aujourd'hui on a commencé plus tard, mais Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, il faudrait qu'on commence minimum à 3h30, Inch'Allah. D'accord, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallah, wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.